C'est la chronique de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site leblitznfl.com, un site que je vous invite à aller voir, très très très intéressant. Salut Tony! Salut Danny! Tony, d'abord, évidemment, on va parler de l'actualité dans la Ligue nationale de football avant. Je voulais te parler des Patriots de Nouvelle-Angleterre qui ont fait l'acquisition de Josh Gordon des Browns de Cleveland. Écoute, on l'a vu la semaine passée contre les Jaguars de Jacksonville. Blake Bortles, ça va être l'air d'Aaron Rodgers. De l'air de Tom Brady aussi. C'est vrai que c'est amélioré beaucoup. Par contre, c'est la faiblesse des demi-défensifs des Pats a joué contre eux. Et aussi, en attaque, dans les zones profondes. Ça fait longtemps que les Pats n'ont pas eu de bons receveurs pour attaquer des zones profondes. Josh Gordon est un joueur de talent. Par contre, en dehors du terrain, c'est très, très difficile. Également des problèmes aussi de blessures. Comment tu vois ça? Moi, personnellement, j'aurais aimé mieux Dez Bryant. Tant qu'à ça, là, j'aurais aimé mieux Dez Bryant. En accord avec toi, Danny. Josh Gordon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les Pats, c'est une des seules équipes qui serait capable d'avoir un joueur comme Josh Gordon. Ouais. Des gens de personnalité et des cas-problèmes. Mm. L'affaire avec les Patriots aussi, les Pats, c'est qu'ils ont quand même un livre de jeu assez compliqué, difficile. Josh Gordon, là, je pense pas qu'il va avoir un impact dans les deux prochains matchs, au moins, pour justement s'ajuster. Écoute, pour un cinquième round, pourquoi pas? Mais ça pose aussi d'autres questions par rapport à Dez Bryant. Qu'est-ce qui se passe aussi? Là? Il y a aucune équipe qui est près d'une entente. Fait que je me demande si c'est aussi compliqué. Fait que... Mais au moins, on va voir Josh Gordon en fin de semaine, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais il est capable, il est très athlétique. Hein? Fait qu'il va être capable de bien séparer les défenses adverses. On va voir comment Tom Brady va s'ajuster à ce niveau-là, mais il faut donner le temps, là, au moins 2-3 semaines. Il faut être patient, puis il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là. Non, effectivement. Puis il ne faut pas oublier, hein, il est blessé aussi à l'ischio-jambier. Josh Gordon, là, il est pas à 100%. Là. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller, évidemment. Écoute, par contre, on joue contre les Giants, on joue contre les Lions de Détroit, deux équipes qui sont très prenables. C'est les retrouvailles Matt Patricia contre l'ancien coordonnateur à l'attaque. Donc, ça va être un match quand même qui est très, très prenable pour les Pats. Et c'est la même chose contre la formation des Giants de New York au cours des prochaines semaines. Faut pas s'inquiéter pour les Pats. C'est ça. Puis je parlais avec Alexandre Gauthier, mon ancien chroniqueur de la NFL. Es-tu d'accord avec moi? Écoute, je suis un partisan des Pats. Là. Écoute, soyons honnêtes, je fais partie de la Pats Nation, là. Mais il faut être honnête aussi, si les Pats n'auraient pas joué dans une division aussi faible, pas sûr qu'on aurait eu la même dynastie. Je m'explique, c'est facile d'avoir 11-5, 12-4 quand tu joues deux fois contre Miami, deux fois contre les Bills, deux fois contre les Jets. C'est un excellent point. C'est un excellent point, mais faut peut-être pas des grosses fiches, mais il y aurait connu du succès quand même. Faut quand même battre les autres équipes en série, en éliminatoire. Là. Fait que je veux dire, ce qui arrive quand tu joues à 12-4, tu joues à Foxborough pour tout le long des séries. Oui. Puis ça, c'est vrai. Puis il faut pas s'en cacher, les Pats, là, s'ils jouent pas la finale de conférence à Foxborough. C'est là qu'ils ne se rendent pas au Super Bowl. C'est un excellent point, puis mais c'est quand même une bonne équipe. C'est une grande dynastie, Bill Belichick. Très bien organisée, puis très bien structurée, puis Tom Brady, c'est quand... Tu sais, Belichick a fait, tu sais, au niveau de la course, là, tu as eu n'importe qui comme porteur de ballon, puis tu as aussi n'importe qui comme receveur, puis ils ont connu autant de succès. Fait que, mais vous avez apporté un bon point, là, mais il aurait connu quand même du succès. Oui, c'est sûr. Hey, il a sorti un livre cette semaine sur Tom Brady, les relations entre Tom Brady et Bill Belichick. Tu es au courant de ça? Est-ce que tu crois à ça? Oui. Il y a quelque chose sûrement, là. Je sais que l'échange de Garoppolo, là, mais je n'ai pas lu le livre, là. J'ai hâte de voir ça, là. Mais peut-être que c'est plus l'amour fou, mais c'est comme c'est comme une lune de miel. À un moment donné, là, ça va arrêter, mais je sais pas quoi dire, là. Je vais te dire une affaire. Je vois pas Brady sans Belichick, puis je vois pas Belichick sans Brady. Tout à fait. Reste 80 victoires. C'est... Je pense que c'est quoi? C'est 80 victoires à Belichick pour atteindre surpasser Don Shula? Oui, Donc, c'est à peu près ça, oui. bon, fait que je pense qu'il va se rendre pas mal à ça, là. Oui, mais c'est comme, moi j'appelle ça, là, tu sais, je veux dire, sur le terrain, c'est le meilleur couple que tu peux avoir, le meilleur duo sur le Ah! terrain. À l'extérieur, dans le vestiaire, c'est peut-être d'autres choses, là, mais. Écoute, il y en a eu des Puis. grands, puis c'est le plus grand. T'as eu Joe Montana, Bill Walsh, t'as eu Jim Ben, Kelly, Marino, Marv Levy, Shula, même Don s'il Shula, n'y a Don pas eu de Super Marino. Bowl. Ouais. Fait que non, regarde, c'était un des. C'est un grand duo de l'histoire de la NFL. Tu voulais me parler des matchs des équipes qui ont 2-0? Oui, ben, il y a eu, c'est beaucoup de surprises. Entre autres, ben, il y a les trois équipes de la Floride qui sont 2-0, entre autres, mes Dolphins. Ouais. Mais je vais célébrer un petit peu parce que ça ne durera pas longtemps. Non, Parce c'est que sûr, c'est sûr. pour Miami, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ils ont marqué, je pense qu'ils n'ont pas marqué plus que 24 points les deux matchs. Et ils jouent vraiment du football simple, les Dolphins. Mais à un moment donné, quand ils vont affronter contre des équipes qui sont un peu plus offensifs, là, la défensive ne pourra pas faire tout le travail. Fait que, tu sais, la défensive est là pour faire le job, pour que l'attaque ait le plus de temps pour faire plus de points, sauf que Miami n'est pas capable de capitaliser souvent dans les séquences de jeu. Donc, pour Miami, faut pas s'en faire, mais c'est quand même 2-0. On mène la division, donc faut s'en réjouir là-dessus. L'autre surprise, c'est les Buccaneers, Danny, C'est avec Ruffin Ryan. Patrick qui me jette à terre. C'est incroyable. 819 verges en deux matchs, là. C'est incroyable. Puis ça va être un match vraiment important. En même temps, on va parler des matchs à surveiller là, lundi soir contre les Steelers, qui en ce moment ça va pas très bien dans leur vestiaire là. Ça brasse beaucoup. Fait que Tampa Bay à 2-0 contre les Steelers qui n'ont pas encore gagné là, donc ils ont une défaite et une nulle. Ça va être vraiment un match à surveiller. Puis ils sont à la maison, les Bucks. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, là? L'autre équipe, les Jacksonville, les Jaguars, qui sont aussi à 2-0. Les trois équipes jouent à la maison, puis ont tous des chances de gagner leur match. Donc, ils pourraient être à 3-0. Si on finit avec Miami affronte les Raiders à Miami pour un match de 13 heures. Donc, les Raiders doivent traverser les États-Unis pour un match d'1 heure avec le décalage. Mais il était déjà la semaine passée, il était déjà. Ben non, il était à Denver, c'est vrai. Donc il était à Denver, donc là, ils peuvent pas traverser, donc voilà. C'est ça. Donc, les trois équipes à 2-0, c'était eux. L'autre équipe qui était surprenante à voir à 2-0, c'est les Bengals de Cincinnati. Ben, ils ont toujours une bonne équipe de saison, puis ils en arrachent en série, mais on ne s'attendait pas à. Vu qu'ils étaient tranquilles durant la saison morte, on s'est dit il devrait rien se passer chez les Bengals, mais ça va très bien de leur côté. Les Broncos sont à 2-0 aussi, qui vont affronter les Ravens. Les Chiefs, ben, on, les Chiefs, Hey, Pat oui. Mahomes, quelle décision d'Andy Reid hein, c'est incroyable. Andy Reid et son directeur général Veach qui ont pris Oui. la décision. C'était un pari risqué là qui Mais ça doit être calculé, Ouais, hein? c'est que c'était complètement calculé. C'était calculé. Ils se sont dit, bon, ben, Alex Smith est à la fin de sa carrière, puis on va investir. Mais il y a tout un bras, Mahomes. Et là, la différence, là. Tout un bras, il se débrouille très bien dans la pochette, puis il a vraiment une attitude d'un grand corps élite, mais il est bien encadré pour Andy Reid. Il faut lui donner ça à Andy Reid. Il y a des problèmes à gérer le temps d'un match, là, le clock management, là, Andy Reid, mais un développement d'un joueur comme Mahomes, il fait Ben, très bien ça. tu regardes son historique, Andy Reid, c'est pas un gagnant, premièrement, au départ, on va se dire ça, là. Non, c'est ça. Il y a eu des équipes pour gagner à Philadelphie, il y a eu des équipes pour gagner à Kansas City, puis il n'a pas gagné. Par contre, on va lui donner une chose, il a très bien géré Kyle. C'est lui qui a formé Donovan McNabb, c'est lui qui a Exact. formé A.J. Fleury également, tu te rappelles de lui. Oui, ben oui. Donc, il a formé d'autres carrières, puis finalement, il a fait un quart avec Michael Vick aussi. Donc, c'est ça. Fait Alors, faut que, y donner ça, puis ouais. chapeau à l'organisation, parce que, tu sais, je veux dire, ils vont connaître une bonne saison, mais ils sont bien partis, là, mais si advenant, ils font pas une série ou ils perdent même la première ronde, là, c'est quand même une grosse victoire pour eux, là. Ouais, Faut leur effectivement. donner ça. Fait OK. que l'autre équipe à 2-0, c'est les Rams. Ça, Oh, les on Rams, s'attend écoute. à eux. On s'attend à eux de se rendre au Super Bowl, mais quelle défensive, quelle équipe complète, là, le duo McVay puis Wade Phillips là, à la défensive, le jeune et le vieux, là, c'est incroyable là, la chimie qu'il y a là aux Rams. Puis ça va être la bataille de Los Angeles en fin de semaine contre les Chargers, mais les Rams devraient l'emporter quand même assez facilement parce que les Chargers ils ont de la misère un peu partout puis ils n'ont pas beau ça à la défensive. Fait que les Rams sont bien partis là à 2-0. Donc, on va surveiller ça de très très près. Tes matchs à surveiller en fin de semaine, moi, je vais y aller. J'ai un match que moi, ce que j'aime, c'est le match entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. C'est le match à 13h à RDS. C'est présenté également sur Fox. C'est un excellent match, évidemment, à surveiller. Jimmy Garoppolo, la semaine passée, qui a gagné contre Pat Mahomes. Ça va être excellent, ce match-là, là. Ça va être un très beau duo de quart arrière. Mm. Sont à Kansas City, donc on va voir un des stades ou le stade le plus bruyant dans la ligue. T'as-tu été à Kansas City? Non, j'y ai pas été. Okay. Toi, t'as-tu été? Non, moi, ben là, cette année, je devrais aller à Nashville. Si j'ai réussi à me décider, là, je devrais aller à Nashville le 1er décembre, mais j'arrive pas à me décider. Moi, le 18 octobre, je vais être à Phoenix. On va voir les Cardinals contre les Broncos. OK. Chanceux, toi? Donc, c'est un petit voyage avec ma conjointe. Elle a choisi les villes, puis moi, je choisis le match. Puis tu payes aussi. fait que puis tu payes aussi. Belle... Hein? Ça, faut pas que tu manques. Elle choisit les villes, puis c'est toi qui payes. C'est ça? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, OK. Donc, moi, j'ai un match, c'est peut-être pas à surveiller, mais il faut faire attention pour le bouton de panique. C'est les Texans contre les Giants. Oui. Les deux équipes sont à 0 et 2. Puis donc, le perdant de ce match-là va être déjà 0-3, puis on pourra oublier le restant. Donc, ça va être plus une déception. Ben, moi, les deux équipes me déçoivent en ce moment, là. Je m'attendais à plus à Deshaun Watson avec les Texans. Le coach Bill O'Brien, j'aime pas bien ses appels de jeu. Puis ses Est-ce façons que de faire. Un gars comme Deshaun Watson, qui a connu quand même une blessure sérieuse, là, puis qu'il est peut-être un peu sur le break pour courir, parce que c'est quoi? C'est ses jambes, c'est ses jambes, la force, là? Oui, ben c'est ça, c'est les ligaments, hein? Fait que le LCA, je pense. Fait que c'est sûr ça va être c'est difficile. Il y a un peu de crainte là, puis surtout quand tu as beaucoup de pression, si tu mets de la pression sur le corps arrière, il y a toujours cette crainte-là, puis il faut pas s'en cacher, il est quand même jeune, Watson aussi. Fait que il avait tellement bien commencé, là, c'est une question de plus de confiance, puis que sauf que la course au sol, le jeu au sol des Texans n'aide pas bien. Fait que faut vraiment balancer l'attaque à ce niveau-là. Okay. Puis les Giants, vous avez vu là, la ligne offensive, là, Fauve Manning. Il n'y a pas de ligne offensive là. L'année passée, c'était pas d'hier, là. L'année passée, c'était la même chose. Ben, je m'attendais à quelque chose de mieux, mais là, on voit que... Puis là, en plus, le centre s'est blessé au dernier match, si je me souviens bien. Donc, ça va pas bien pour les deux équipes. Je pense que les Texans devraient se replacer là, en fin de semaine, pas les Giants. Là. Puis parlant de blessure à la jambe, le retour de Carson Wentz avec les Eagles en fin de semaine. Donc ça va être intéressant. Je me demande si c'est un peu trop tôt. On dirait qu'on a lancé un peu trop la serviette pour Foles. Nick Foles, écoute, soyons honnêtes, Nick Foles, il commence à ressembler au Nick Foles qu'on connaît. Hein, Exactement. Trop bon pour être deuxième, mais pas assez bon pour être premier. Oui, puis le match que j'ai hâte de voir, ça va être un festival offensif. Ça va être les Saints contre les Falcons. Là. Ça va être quand même un bon match à voir là, avec Drew Brees contre Matt Ryan. Les deux équipes à une et une, là, donc un beau match de conférence dans le national. OK, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, mon Tony? Oui, tout à fait. Donc, oui. On invite les gens à aller sur le site leblitznfl.com. Vous pouvez retrouver les chroniques de Tony, de Wallet, qu'on parle également de l'NCA, qu'on va y parler tout à l'heure. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, NFL, leblitznfl.com. Tony Guzzo, on s'en parle la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je suis en congé, il faut que je l'oublie. Je prends une semaine de congé la semaine prochaine. Donc, because le déménagement. Donc, on s'en reparle dans 2 semaines, tu sais. Ben, c'est parfait, Danny, puis bon football à tout le monde. Effectivement. Donc, Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.